aujourd'hui ouvrir un angle un peu plus particulier de notre exploration du populisme en Europe, en allant faire un petit tour en Espagne, en compagnie de Luc Lamant, que certains ont eu, je pense, l'opportunité d'entendre déjà ce matin, parce que c'est vraiment Luc Lamant on tour à l'ULB aujourd'hui. Alors, qui est Luc Lamant pour ceux qui ne le connaissent pas? Eh bien, les journalistes, journalistes à Mediapart. Il est en poste à Bruxelles. Pardon ? Ludovic Paluc. Ludovic, oui. C'est le problème de toujours synthétiser. Vous avez entendu, on a été très critiqué la fois dernière, de toujours vouloir faire court. Ben voilà, c'est ce qui vient de m'arriver. Pardon, Ludovic. Et donc, il est journaliste à Mediapart. Il est en poste à Bruxelles, évidemment, avec une ouverture sur toute la politique européenne. Et là aussi, il y a évidemment beaucoup de choses à dire en la matière. Et puis, auteur d'un livre qui examine le destin de ces fameuses mairies qu'il qualifie de rebelles en Espagne. Donc, des mairies qui ont été décrochées par des candidats de Podemos et qui... au niveau donc municipal, mais de grandes villes quand même, mènent des expériences démocratiques assez singulières et qui vont nous permettre de réfléchir. Et puis surtout, Ludovic, connaissant bien le phénomène Podemos, il va pouvoir nous en ouvrir un petit peu les arcanes et nous aider à le positionner ou pas sur la carte du populisme. Voilà. Merci Ludovic, beaucoup. C'est à vous. Alors, merci pour l'invitation. Et merci à ceux qui ont pensé à m'inviter. Est-ce que je parle assez fort là, comme ça, ou il faut que je crie? Je suis désolé, alors on m'a demandé de refaire une présentation rapide de Mediapart et de mon travail ici, mais je vais le faire en 2 minutes parce que je sais que je l'ai déjà dit ce matin. Mais quand même c'est important pour savoir voilà, comment je me suis mis à couvrir Podemos et comment je me suis mis à couvrir les mairies espagnoles. Donc ce que j'ai... La manière dont ça va s'organiser, si j'ai bien compris, c'est que là, je présente un peu mes axes de travail, la couverture que j'ai faite de Podemos et des mairies espagnoles, les grandes marqueurs pour comprendre ce qui se passe en Espagne, et ensuite, on ouvre la conversation pour élargir de manière plus théorique sur vos discussions sur le populisme et voir en quoi je peux être utile dans ce débat avec vous. Voilà. Alors, moi, je suis correspondant français à Bruxelles depuis 2012. Je travaille pour Mediapart, qui est donc un site d'information français indépendant, sans publicité, sans subvention publique non plus, j'insiste à chaque fois là-dessus, et on a à peu près 130 000 abonnés en France, donc c'est l'argent des abonnés qui permettent de tenir le journal et qui fait qu'on est indépendant. On est une quarantaine de journalistes, et moi donc je m'occupe à la fois de l'actualité européenne ici à Bruxelles. Et j'ai un budget de reportage, donc ça que j'utilise un peu comme je veux pour aller raconter la crise en Europe. Alors, je ne suis pas le seul à raconter ça, mais il faut que dans cette couverture, je ne suis pas seulement à Bruxelles, mais je me déplace, donc j'avais été en Irlande, un peu en Italie, mais surtout, j'ai été en Espagne depuis 2011. Donc, dans ce cadre-là, en fait, l'idée, c'est qu'on essaye de trouver des questions dans les pays qui ne sont pas la France. Moi, je parle à des lecteurs français. Et j'essaie de trouver des débats politiques dans les pays qui intéressent les lecteurs et qui, notamment, autour de la question de la gauche, de la crise de la social-démocratie, il y a des réponses ou des expériences qui sont plus intéressantes ailleurs. Alors, en Espagne, moi, j'ai commencé juste par un reportage de 3 semaines. Donc assez longue période pour un reportage. C'était en mai 2011 à Madrid, au moment du surgissement des indignés. Donc ça, la date, c'est le 15 mai 2011. Moi, j'y suis allé du coup 2 jours après. Donc je ne sais pas si tout le monde a suivi ça ou il faut que je développe un peu l'histoire des indignés. En gros, le mouvement du 15e, donc, qui était dans l'imaginaire, qui est marqué par une série de campements sur les places d'Espagne. On pourrait dire donc qu'il mêlait des générations variées, des jeunes et des plus âgés, dans les grandes villes d'Espagne, mais pas seulement. Il s'articule autour de 3 mots d'ordre. Il y avait une demande de plus de transparence dans la vie politique. Il y avait et de renouveler les pratiques de démocratie. Il y avait beaucoup de questions de démocratie directe, de tirage au sort, etc. Après, il y avait un axe qui était la critique des politiques économiques, et donc des politiques d'austérité du gouvernement en place. À l'époque, c'était encore le socialiste Zapatero qui était au pouvoir. Et le troisième axe, c'était une dénonciation de la corruption et de la corruption des élus, qu'ils soient du PSOE, donc les socialistes, ou qu'ils soient du Parti populaire, les conservateurs. Donc on avait vraiment ces trois axes-là comme revendication du mouvement indigné sur toutes les places d'Espagne. Donc ça, c'est un mouvement que j'ai couvert et qui, évidemment, en fait, ces campements n'ont pas tenu éternellement, et il y a une forme d'épuisement qu'on a vu aussi avec Nuit Debout à Paris et en France après, c'est qu'on ne peut pas tenir éternellement ces places. Et donc le mouvement du 15e, qui a été un moment très important pour signifier l'espèce de ras-le-bol total d'une majorité de la population espagnole par rapport à l'état du pays, la crise du pays, etc., est un référent et vraiment c'est capital pour comprendre où en est l'Espagne aujourd'hui. Et donc on appelle ça dans la presse espagnole et dans les débats espagnols, c'est le 15e, parce que c'est né le 15 mai 2011. Et tout ce qui va surgir après, que ce soit les mairies espagnoles qui, moi, m'ont beaucoup intéressé, que ce soit la création de Podemos et même le congrès de Podemos qui a eu lieu il y a deux semaines, que ce soit d'autres choses dont on pourra parler aussi sur la crise interne des socialistes, tout ça, en fait, est en partie lié à comment on interprète, on débat autour de l'héritage du 15e et de comment on répond à ce mouvement indigné, aux préoccupations qui avaient surgi à ce moment-là. Donc, après ça, il y a eu des élections. Là, je vous fais un peu une chronologie pour qu'on ait en tête les étapes importantes. En novembre 2011, donc quelques mois après les indignés, il y a des élections législatives. Et là, c'est un peu la claque pour le mouvement indigné, puisque c'est la droite qui l'emporte avec une majorité absolue au Congrès des députés. Donc c'est l'arrivée de Mariano Rajoy au pouvoir. Et de l'extérieur, beaucoup de journalistes ont écrit que le mouvement indigné, du coup, était terminé, on n'avait rien donné. Parce qu'en gros, en quelques mois, il y avait eu ce mouvement sur les places, puis c'était terminé, puis des élections législatives, la droite au pouvoir, la droite en plus le Parti populaire, vieux parti corrompu, etc., était revenu au pouvoir. Donc il y a eu un peu une espèce de période de rechute où les indignés ont un peu disparu des radars. La droite est au pouvoir, et il faut attendre, en tout cas pour les grands titres des journaux, disons, début 2014, janvier 2014, c'est la création de Podemos par Pablo Iglesias et quelques universitaires d'une université à Madrid, la Complutense, qui se présentent et qui disent le pari qu'ils font, c'est de dire la crise en Espagne est énorme, donc c'est 25% de chômeurs en 2013, donc en 2014 on ne va pas être très loin de ces chiffres-là, et ils disent on a une fenêtre d'opportunité pour construire un nouveau parti qui porte les revendications du mouvement indigné. Je vous le fais en très résumé. Et ils se disent que ces questions-là, vu l'ampleur et la gravité de la crise en Espagne, mais qui est aussi une crise en Grèce, qui est aussi une crise dans tout le sud de l'Europe, ça a plus de sens de se lancer pour les européennes et les élections européennes de mai 2014. Donc eux font un pari qui est de dire « Ok, on va porter les revendications du mouvement indigné et arriver et se présenter aux élections européennes de 2014. » Et ils font une campagne qui reste comme une boucle. C'était personne, hein. Ils étaient quasiment inconnus en janvier 2014. Et ils font une campagne extrêmement efficace qui est restée dans les annales comme une campagne modèle, avec très peu de moyens, financé par du crowdfunding, avec une thématique dont on a beaucoup parlé et qui va monter en puissance tout au long de l'année 2014, qui est cette expression de la caste, puisque en gros Pablo Iglesias dit et dénonce le personnel politique des principaux partis politiques espagnols en disant PSOE comme PP que eux appartiennent à la caste et que eux portant les revendications du mouvement indigné sont là pour changer le personnel politique, etc. Et ils font une campagne aussi très forte contre l'Allemagne d'Angela Merkel. Et avec une promesse de renouveau, des manières de faire. Donc ils vont faire 8% aux européennes, donc en 4 mois, enfin de janvier à mai, donc c'est quand même très impressionnant. Ils sont juste derrière les communistes traditionnels de l'Izquierda Unida, et surtout, donc du coup, le PSOE a beaucoup décroché aux européennes, et c'est un premier choc. Et alors là, il va y avoir une attention médiatique énorme sur Iglesias, qui est, alors ça je pense qu'on va pas mal en discuter sur la place du leader, etc. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus maintenant, mais il y a énormément de choses à raconter évidemment là-dessus. Moi j'ai fait pas mal de papiers à l'époque sur sa formation intellectuelle, d'où il est, d'où il vient, comment il a utilisé certaines chaînes de télévision. C'est-à-dire que je sais pas si vous voulez que je raconte ça maintenant, ou c'est quelqu'un qui s'est rodé, non mais je pense que c'est mieux d'y revenir sur le... C'est quelqu'un qui s'est rodé en créant ses propres médias sur Internet, notamment des médias en ligne, notamment qui s'appelle la Tuerca, et qui a une habitude du débat politique qu'il a rodé, il a trouvé en fait une forme de télégénie, il est très très fort à la télévision, et ça c'est quelque chose qu'il a travaillé, construit, à minima, dans des médias indépendants qui étaient sur Internet avant, et qui continuent d'ailleurs d'exister toujours, hein. Il les anime toujours certains. Il y a une émission qui s'appelle Fort Apache, comme voilà, le western, parce qu'ils sont très cinéphiles à Podemos, et qui continue d'être diffusé sur Internet, alors même que lui est toujours et maintenant député, etc. Donc, en tout cas, on a ce type qui surgit dans les plateaux télé où il parle de la caste, où il dénonce la corruption, où il promet la fin des politiques d'austérité, où il file un coup de vieux à toute la gauche, la gauche de la gauche et la gauche du PSOE aussi, qui est en pleine crise à l'époque, et ça marche bien. Dans les sondages, il monte après les élections européennes. Et on arrive et il y a le congrès de octobre 2014, qui est le premier congrès fondateur, comme ça, de Podemos, qui va un peu fixer la forme, la structure du parti. Alors, sur la structure du parti, ce qui est intéressant, et ce dont on a le plus parlé, c'est la question des cercles. Podemos, pour essayer de répondre aux demandes des indignés d'un autre type de démocratie, s'est construit en ce qu'ils appellent donc des cercles qui sont des militants qui se réunissent, des activistes qui se réunissent en assemblée de démocratie directe, et qui, alors il y a des cercles par lieu, il peut y avoir le cercle de je sais pas quelle ville, de je ne sais où, mais il peut y avoir aussi des cercles thématiques. Il y avait un cercle économie, un cercle énergie, un cercle je ne sais quoi, et il y a des dizaines et des centaines de cercles qui sont en 2014 présentés comme la base, le cœur, le fond du mouvement. Et ensuite, avec un espèce de super leader très charismatique qui met en avant et est à l'écoute des choses. Ce qui se passe très vite, c'est qu'octobre 2014, il y a un choix stratégique qui est fait par les militants, par la base, donc c'est à peu près 100 000 votants à l'époque, qui disent, voilà, on a des législatives en Espagne fin 2015, enfin à l'époque on ne connaît pas la date, mais on sait qu'il va y avoir des législatives dans à horizon 2 ans, et ils se disent, les socialistes sont en crise, on a cette structure de parti, on a fait 8% aux européennes en très peu de mois, on monte dans les sondages, on a un boulevard, on va prendre le pouvoir. On a 2 ans pour prendre le pouvoir, et le choix stratégique qu'ils font, c'est de dire, attention, si on reste à un niveau de démocratie horizontale des débuts, on va pas y arriver, ou en tout cas, si on donne trop de pouvoir au cercle, on va pas y arriver. Et donc très vite, dès le premier congrès en octobre 2014, Podemos se banalise un peu, c'est-à-dire que ils se construisent comme un espèce de parti plus traditionnel, c'est-à-dire plus vertical, avec Pablo Iglesias comme secrétaire général, puis un conseil citoyen qui un peu valide les décisions de la direction. Voilà. Donc à l'époque, il y a beaucoup de critiques sur le fait que déjà Podemos a un peu tourné le dos aux idéaux de l'indignation et aux idéaux de la démocratie, au nom de l'efficacité, parce que c'est une machine électorale, parce qu'il faut gagner, et parce qu'on a 2 ans pour y arriver, et donc il faut savoir faire des compromis, et donc voilà, on va mettre de côté un peu les idéaux de démocratie horizontale, et on avance. Ça, c'est un choix important, parce que après, l'Espagne va rentrer dans un marathon électoral, donc il va y avoir des municipales, des régionales, des élections en Catalogne aussi, qui sont importantes, parce qu'il y a la question de l'indépendance, jusqu'aux législatives. Donc le parti est très vite, très jeune, confronté à une masse d'enjeux électoraux, enfin, il y a plein d'élections régionales, il y a les municipales, et à chaque fois, ils sont obligés d'apprendre, tout va très vite, et donc il y a une forme de pragmatisme qui se développe, qui est assez intéressant. Moi j'ai suivi ça d'assez près, et j'étais assez impressionné par la capacité stratégique du mouvement à toujours trouver la bonne manière de gérer là il y a les municipales, etc. Sachant que leur objectif, c'est toujours dans leur tête les législatives de fin 2015. Le point important là dans ce cycle-là, c'est mai 2015, c'est les mairies. Et là, c'est un moment qui, dans le pays, je pense aussi, voilà, on a parlé d'indignation en 2001, en 2011, mai 2011, mai 2015, 4 ans après, il y a des plateformes citoyennes qui sont formées dans des villes d'Espagne, notamment à Madrid, notamment à Barcelone et dans des dizaines d'autres villes, et qui ont construit une majorité dans les urnes. Et donc, elles remportent des mairies. Donc, on parle quand même de gens qui viennent de l'activisme, des mouvements sociaux. Donc, par exemple, Ada Colau, la maire de Barcelone aujourd'hui, qui est quelqu'un qui vient des questions de droit au logement. Donc, elle travaille depuis 10 ans contre les expulsions immobilières. C'est quelqu'un qui a une culture du squat, qui est hyper identifiée à ces batailles juridiques-là. La question du logement en Espagne, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans... Mais toute la crise espagnole est liée en partie à un mode de croissance qui est liée au surendettement et au développement de la propriété privée qui a fait qu'on a construit énormément d'infrastructures, de maisons, etc. Des ménages se sont trouvés endettés, ont été menacés d'expulsion, et il y a des mouvements qui sont construits pour contrer les banques qui expulsaient ces ménages. Ada Colau, elle vient de ces mouvements-là. Et donc ces gens-là prennent le pouvoir. Alors, c'est pas tout à fait des mairies Podemos, c'est des plateformes citoyennes soutenues par Podemos, mais aussi soutenues par des écologistes, soutenues par des mouvements sociaux. Et Ada Colau, par exemple, la maire de Barcelone, Manuela Carmena, la maire de Madrid, c'est souvent des femmes d'ailleurs, viennent, c'est vraiment des personnalités de la société civile. Alors que Podemos, voilà, ont déjà une image plus d'activistes professionnels, des profs, c'est souvent des universitaires, plus intello. C'est pas exactement les mêmes backgrounds. Donc ce mouvement-là, moi, mai 2015, la victoire des mairies, c'est le truc qui m'a le plus intéressé dans ma couverture. J'ai fait beaucoup d'articles là-dessus pour Mediapart. Et j'en ai fait un bouquin qui est sorti fin d'année dernière et sur lequel on pourra revenir, même si ça rentre moins dans le débat sur le populisme. Pour Podemos, c'est génial, ces victoires-là, parce que ça les crédibilise. Ça prouve qu'ils sont capables de gagner et ça prouve qu'ils veulent gérer des grandes villes du pays. Donc la dynamique est plutôt bonne, même s'il y a des débats, des déchirements, c'est la gauche, voilà. Et ensuite, on arrive à la fin de l'année 2015 avec les premières législatives où se présente Podemos. Ils vont faire une campagne où ils étaient tombés très bas dans les sondages, puis les sondages les redonnent gagnants, ils font une très bonne fin de campagne, et ils arrivent finalement tout juste en troisième position. Alors, le Parti Populaire gagne, les socialistes arrivent deuxième, et Podemos en troisième position avec 22%, si je me souviens bien. Voilà, alors là, il y a plusieurs lectures possibles, c'est-à-dire que, mais ça on pourra en débattre aussi techniquement, si on les prend au mot, ils ont perdu leur pari, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Oui, et je termine, en fait, après décembre 2015, incapacité des partis à se mettre ensemble, à se parler pour former un gouvernement, et donc on a des nouvelles élections législatives qui sont organisées en juin 2016, et là, en gros, Podemos va faire une alliance avec les communistes traditionnels pour espérer dépasser les socialistes et donc améliorer leur score de décembre. Mais en fait, ça ne marche pas. Ils vont faire une moins bonne campagne qu'en décembre 2015 et le parti stagne. Ils font à peu près le même score en pourcentage. Mais comme il y a moins de participation, en fait, ils perdent 1 million de voix, ce qui est quand même colossal par rapport aux élections de décembre 2015. Donc maintenant, Podemos est un parti qui est le troisième plus grand parti d'Espagne, qui compte, je crois, 68 ou 69 députés au Congrès des députés, et qui compte maintenant dans l'opposition, puisqu'on a un gouvernement de droite, toujours par Mariano Rajoy. Donc, en termes de lecture politique, si on revient aux idéaux du mouvement indigné, et ce qui s'est passé, on peut trouver ça assez surprenant, finalement, que ce soit encore et toujours la droite associée aux affaires, à des scandales de corruption qui soient restés au pouvoir. De ce point de vue-là, Podemos a perdu son pari, ils n'y sont pas arrivés, et ça pose des questions peut-être sur une certaine limite d'un leadership très agressif, d'un Pablo Iglesias qui s'est peut-être radicalisé à certains moments, mais ça on pourra peut-être en parler, et qui n'a pas été capable finalement d'aller chercher un électorat de socialistes déçus, peut-être plus âgés, plus réticents à aller voter Podemos. Donc ça, c'est un premier truc. Après, on peut quand même, et ça, c'est une des leçons politiques, moi, je trouve, de l'Espagne, et c'est en ça que c'est très intéressant, l'Espagne aujourd'hui, c'est pour ça que j'y vais si souvent, c'est que si on compare, par exemple, à la France, où on se prépare à une présidentielle, où la question maintenant, c'est est-ce que le Front National va gagner ou pas, c'est-à-dire que c'est même plus est-ce que Marine Le Pen va être au second tour, mais c'est est-ce qu'elle est capable de gagner ou pas, et qu'elle a profité de la crise économique et de la crise européenne. En Espagne, on a une situation, un écosystème politique où la crise, des formes de populisme, un chômage à 25%, n'a pas permis l'émergence d'un populisme d'extrême droite, n'a pas permis la création d'un agenda où on stigmatise les migrants, où on appelle au retour, à la reconstruction des frontières, où on appelle à la fin de l'Europe. Il n'y a pas eu ces débats-là. Alors que le pays, je veux dire, par exemple en Grèce, qui est dans une situation encore plus difficile, il y a eu une progression d'Aube Dorée, par exemple, qui est présenté comme un parti néo-nazi. En Espagne, le débat et l'agenda lié à la crise politique a entièrement été dominé et construit par Podemos. Alors, ce qu'on peut trouver problématique, mais n'empêche que ça veut dire qu'on a parlé de politique économique, de lutte contre la corruption, etc. À tel point qu'il y a eu un deuxième parti qui s'est créé, au moment en début 2015, qui s'appelle Ciudadanos, donc on a parfois annoncé comme le Podemos de droite, qui lui aussi fonctionne très fort sur une personnalité, qui est Albert Rivera, qui est un Catalan, et qui a lui fait comme priorité la lutte contre la corruption et la transparence de la vie politique également. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un agenda qui est lié au fait qu'il y a eu les mouvements indignés en 2011, qui a été, je crois, un remède fantastique et très efficace contre le surgissement d'une extrême droite telle qu'on la connaît en France, telle qu'on la connaît à l'AFD en Allemagne, etc., etc. Et qui touche, pour le coup, toute l'Europe. Voilà. Donc du coup, sur le bilan un peu Podemos aujourd'hui, c'est un parti qui est extrêmement divisé. Il y a eu un congrès sur lequel on pourra revenir récemment, mais qui a conforté plutôt Pablo Iglesias dans sa stratégie. C'est un parti qui est visé dans une Espagne qui reste, qui a pas... Moi je dirais, pour faire encore un peu de pédagogie sur l'Espagne, c'est un pays qui, à la différence de la France, même s'il y a des points communs, la différence de la Belgique, c'est sûr, connaît une vraie crise de régime, de tout un pan des structures, des institutions qui ont été construites après la mort de Franco. Et ce qu'a révélé la crise économique et financière, c'est en gros pendant 40 ans, depuis 78, donc depuis 30 bonnes années, toute la vie politique était marquée par un bipartisme traditionnel entre le Parti populaire et les socialistes. Tout ça a volé en éclats. Podemos a réussi son coup de ce point de vue-là, et je ne crois pas du tout qu'on va revenir en arrière et que dans les élections à venir, Podemos va disparaître. Donc ils ont réussi à rouvrir le paysage et à bloquer l'émergence, moi c'est comme ça que j'analyse en tout cas, d'une extrême droite un peu dure. Par ailleurs, l'Espagne, la grande question, c'est la question territoriale. C'est difficile de parler de l'Espagne sans avoir ça en tête. Et c'est là où on en revient à Ada Colau, la maire de Barcelone, et les mairies et la dynamique locale. C'est que y a l'enjeu là, des années à venir, c'est comment l'Espagne réforme ou pas sa constitution, comment elle répond aux défis de la Catalogne. C'est quand même 7 millions d'habitants, dont la moitié, plus ou moins, a l'air de vouloir l'indépendance. Et comment on répond à ça? Et il se trouve que sur ce terrain-là, Podemos, en lien avec la maire de Barcelone, essaie de formuler des réponses un peu différentes des partis traditionnels. Donc là aussi, c'est intéressant parce que, clairement, il y a des éléments de... Voilà. Mais ça, on en parlera peut-être aussi. C'est peut-être trop pointu. Voilà. Bon. Vous me dites hein, s'il faut que je... Non, mais c'est intéressant parce que c'est peut-être bien quand même que vous puissiez nous éclairer en quelques mots sur la façon dont, qui est peut-être quand même un peu ambigu, la façon dont Podemos se positionne par rapport à la revendication nationaliste, ouais. Puisque on voit que les populismes sont aussi souvent nourris de nationalisme. Or ici, on a quelque chose de distinct, donc c'est peut-être intéressant d'en dire quelques mots quand même. Ouais. Alors c'est un sujet compliqué. Donc la position officielle de comment je vais tourner ça pour que ce soit bien clair. Il y a un bras de fer entre Madrid et Barcelone sur la question de l'indépendance. La droite refuse, donc les indépendantistes réclament l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Et Madrid estime que ce référendum n'est pas constitutionnel, n'est pas légal, et que ce n'est pas au sol catalan de décider de l'avenir de leur pays. Parce que ce serait éventuellement à l'ensemble de l'Espagne, dans le cas d'un référendum, et que Mariano Rajoy ne veut pas organiser ce type de référendum, le débat est clos. Les indépendantistes, qui eux ont la majorité au Parlement de la Catalogne, disent non, nous on veut organiser ce référendum. Là-dessus, Podemos a une position, et tous les partis nationaux, Ciudadanos, Parti Populaire et PSOE plus ou moins, soutiennent la position de la droite. Là-dessus, Podemos dit non, on peut organiser un référendum, les Catalans ont le droit à décider, qui est l'expédient. Et pourquoi cette position elle est possible? Parce que quand même, l'ADN de Podemos, c'est de répondre aux préoccupations des indignés quand même, et de dire la démocratie, davantage de recours aux pratiques démocratiques, mieux utiliser Internet pour davantage de consultations, etc. Et donc du coup, eux, ils sont très à l'aise à l'idée de défendre un référendum. Après, ils disent que si le référendum était organisé, a priori, ils voteraient contre l'indépendance. Donc ils défendent le droit à décider, mais voilà. Simplement, cette petite subtilité de positionnement leur permet de toucher, de séduire des gens en Catalogne qui ne seraient pas forcément sensibles à ça. Ça leur permet aussi de faire alliance, cette position, avec Ada Colau, la maire de Barcelone, qui n'est pas de Podemos, mais comme je vous l'ai expliqué, qui a remporté les élections et qui est très puissante et qui, elle, tient la gauche catalane locale, ou, pour le faire vite, l'essentiel de la gauche catalane locale. Donc, cette position, par rapport à la question territoriale, qui effectivement est clé, permet à Podemos d'être très audible dans les régions type Catalogne, mais il y a aussi Pays Basque et Galice, qui sont les trois régions historiquement à volonté indépendantiste, etc. Leur permet d'être très fort là-dedans. Et c'est aussi en Galice et en Catalogne qu'on a les expériences les plus intéressantes de mairie au pouvoir. Donc tout ça est un espèce d'ensemble assez compliqué, comme je le raconte là tout de suite, mais qui explique que dans ce paysage de crise de régime du pays où on ne sait plus quelle est la structure territoriale exacte, la constitution est contestée, il y a de la corruption dans les principales institutions, les principaux partis, il y a de la corruption des affaires de corruption, etc. Le bipartisme est terminé. Bon, bah, Podemos arrive à jouer sur les différentes grandes questions du pays. Ils ont une réponse sur la corruption, ils ont une réponse sur l'équilibre territorial, etc., etc. Voilà. Alors après, voilà, peut-être je termine encore une minute et demie sur... Il y a eu un congrès, là, la semaine, donc il y a 10 jours, le week-end dernier, et le débat, il y avait deux lignes, qui étaient de dire... Enfin, il y avait trois lignes, mais disons que dans le débat résumé, c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans l'opposition? Est-ce que le but, c'est de continuer à... la ligne Pablo Iglesias, le fondateur historique, etc., c'est de dire Podemos, dans l'opposition, au Congrès, dans les institutions nationales, ne va pas obtenir grand-chose. On n'a pas beaucoup de victoires à gagner là-dedans, on ne va pas s'épuiser et perdre notre temps là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le rôle de l'opposition dedans, certes, mais surtout dehors, par exemple, dans la rue, en renouant avec les mouvements sociaux, en retrouvant... Les mouvements avec un agenda qui est assez proche finalement de la gauche, ce qu'on appelle la gauche de la gauche ou la gauche radicale ou la gauche critique, des communistes traditionnels. Donc quelque part on banalise un peu Podemos. La ligne du numéro 2, Iñigo Errejón, qui était le grand concurrent à Pablo Iglesias et qui a perdu, était de dire si on veut être crédible, il faut non seulement qu'on conserve l'opposition au Congrès et notre travail, mais c'est en assumant ce travail au Congrès, en montrant qu'on est capable de gouverner, qu'on va apprendre à travailler avec les socialistes et qu'on va montrer aux électeurs qu'on est capable, on n'est pas seulement une force d'opposition, on n'est pas seulement ceux qui dénoncent la caste, mais on est aussi capable de s'entendre au coup par coup et on est plus pragmatique. Ce qui fait que, résumé à grands traits, on dit souvent Iglesias c'est le radical, Errejón le numéro 2 c'est plutôt le modéré, le social-démocrate, parfois on est un. Qui, eux, disent qu'ils ne sont pas du tout, mais voilà, en résumé à très grands traits, et que, c'est deux stratégies différentes. Et dans la première, on a une, on gauchise Podemos, encore plus, dans la contestation, Et dans la deuxième option, on assume le Podemos ni droite ni gauche des débuts pour aller chercher des gens très modérés, pour aller chercher de tous les côtés. Iglesias a gagné, donc il est conforté, etc. Après, les dissensions, elles restent très fortes dans le parti reste très divisé et la bataille est loin d'être terminée là-dessus, de ce point de vue-là. Voilà, je me rends compte que c'est seulement maintenant que je dis que Podemos était positionné comme un parti ni droite ni gauche. C'est quand même un truc des... Oui, voilà. Dans la dénonciation de la casque, ce que je disais au début, ça s'articulait avec l'idée du ni droite ni gauche. Voilà. Oui, qui est un point important. Mais porté, vous l'avez dit à la source, par des universitaires qui sont plutôt de culture marxiste. Alors, comment se fait cette évolution et est-ce que l'électorat véritablement est en phase avec ça? Alors, le tout début de Podemos, pour vous donner une idée, Iglesias, lui, il est même dans sa jeunesse, il était aux jeunesses communistes. Donc vraiment, c'est difficile de dire qu'on n'est pas de gauche. Enfin, lui, c'est vraiment son ADN, il vient de là. Et il a fait une thèse sur, autour de Gramsci, enfin des mouvements sociaux altermondialistes en Italie. Parce qu'il a été un an en Erasmus, c'était déjà Erasmus, à Bologne. Enfin, il a fait une année à l'étranger, en tout cas, il avait suivi des mouvements sociaux à l'époque, on était après le G8 de Gênes et tout ça, donc il est vraiment dans cette culture-là de l'altermondialisme, comme Ada Colau d'ailleurs, la maire de Barcelone, qui vient de l'altermondialisme aussi. Le numéro 2, Erejón, lui, il a fait sa thèse en Bolivie, sur le MAS, le parti d'Evo Morales, et lui revendique, alors c'est là où on peut rentrer dans les thèmes, moi je voulais le garder un peu pour les échanges et les débats, mais... c'est vraiment le numéro 2 qui est, enfin, Erejón, ce type qui a travaillé sur la Bolivie, qui au tout début, hein, dans le début, leur pari, c'est de dire la crise espagnole est si forte, le chômage est si élevé, la pauvreté est là, qu'on s'est presque latino-américanisé. Et qu'on va importer des théories, notamment du populisme latino-américain, en Espagne. On va faire ce pari-là. Et on va le faire d'autant mieux qu'on a été l'étudier pendant des années sur place, lui en Bolivie, mais beaucoup sont allés au Venezuela un peu, en Équateur, et surtout, ils ont regardé de près le péronisme. Ils connaissent ça très bien, le péronisme argentin, et notamment, un des auteurs de chevet d'Electron, c'est Ernest Laclau, qui est un des théoriciens, justement, d'une forme de populisme de gauche, pour le coup. Et eux l'assument comme tel, c'est-à-dire, ils disent, enfin, Electron, il dit vraiment, on va importer ces théories-là, pour conquérir le pouvoir. En fait, si vous voulez, je peux le raconter maintenant, mais on peut le... C'est comme... Donc il y a vraiment une idée de reconstruire donc les deux auteurs, parce qu'il y a Chantalouf aussi dans l'histoire, qui est en fait Erejón, le numéro 2 de Podemos, et là, je ne sais pas si on peut dire meilleur ami, mais en tout cas, ils s'entendent très bien, se parlent beaucoup, il a écrit des préfaces, ils ont fait des livres d'entretien, et... elle théorise beaucoup le surgissement de Podemos comme la concrétisation de ses hypothèses à elle de travail. Donc c'est là où moi j'ai toujours un problème, c'est que dans la couverture de Podemos, c'est que c'est souvent des... On se retrouve, quand on est journaliste et qu'on va voir... On se retrouve avec des universitaires qui sont absolument brillants, qui nous filent des bouquins, qui ont plein de théories. Mais vraiment, Podemos, au début, c'est quand même il y a une fenêtre d'opportunité, il y a un moment, mais c'est quand même une hypothèse intellectuelle de 5 ou 6 potes de la Complutense, l'Université de Madrid, qui décident d'occuper ce terrain politique-là et de dire c'est le moment où on va tenter un populisme de gauche en Espagne, c'est le moment ou jamais, et on va faire une sorte de péronisme adapté à plein de réalités du truc. D'où le rapport aux médias, d'où l'espèce de plein de courants internes à Podemos qui sont dépassés, dont on dépasse les contradictions par la figure du leader. Vraiment, là-dessus, c'est très latino, le côté le grand... enfin, Morales, c'est ça, c'est le grand leader qui dépasse les contradictions parce qu'il est intelligent, qu'il parle bien, etc. etc. Donc voilà, après, il y a tout un côté pour lancer la discussion sur les trucs de populisme et tout, un des points importants, c'est qu'ils ont été chercher du coup ce qu'ils appellent des signifiants qui parlent notamment à... qui sont transversaux. Donc, voilà. En fait, j'ai très peu parlé pour l'instant d'une ni droite ni gauche, qui est quand même capitale dans leur stratégie, qui consiste à dire il faut tout faire pour ne pas se caricaturer. C'est pour ça que là, maintenant, ça a un peu changé la stratégie, mais les deux premières années, c'est il ne faut pas se caricaturer en un parti de gauche traditionnel. et que si on se caricature en parti de gauche traditionnel, on ne dépassera jamais le niveau d'un un parti de gauche de la gauche, on ne dépassera jamais un Jean-Luc Mélenchon qui fait 10% ou 15% en France, ou un PTB qui fait je ne sais pas combien, un peu plus que les socialistes. Ah, les sondages sont très favorables, donc là ils peuvent commencer à tutoyer les partis traditionnels, mais ça ne s'est pas encore concrétisé. Ils disent que la majorité... ils l'auront pas s'ils se caricaturent en... Voilà, donc ils vont essayer de parler à tout le monde, donc ni droite ni gauche, et voilà. La seule subtilité, c'est qu'après, le programme, il est de gauche. Et il suffit de regarder le programme, et quand ils ont été élus au Parlement européen, ils sont à la GUE, le parti de la... le groupe politique au Parlement européen de la gauche unitaire européenne, qui est avec le Front de Gauche, avec tous les partis de la gauche politique traditionnelle. Donc c'est ça toute la contradiction et la difficulté de ce mouvement, c'est que ils ont un discours sur la transversalité, le ni droite ni gauche, mais dès qu'ils rentrent dans les institutions, mécaniquement, les institutions les obligent à se positionner et ils sont de gauche. Voilà. Donc ça, c'est une des limites qui les... Mais tout ça, ils ont intégré, ils savent que c'est une difficulté et ils ont les réponses, parce qu'ils sont plutôt intelligents et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une similitude entre Podemos et le mouvement En Marche ou le PTB ? Ben... Moi, je dirais plutôt qu'il y a une similitude entre En Marche, le mouvement de Macron, et Ciudadanos. Donc le parti Podemos de droite, tu vois, qui est lui aussi marche, enfin Albert Rivera, c'est très lié à un leader charismatique, jeune, un peu beau gosse comme ça, qui surgit d'on sait pas où, très tôt, quelques mois avant les élections, avec un clairement très pro-business dans son approche, etc. Et en même temps, sur les questions de société, de lutte contre la corruption, de transparence dans la vie politique, très progressiste. Là-dessus, c'est évident, moi je sais, enfin ça pour le coup, moi comme correspondant, j'avais vu, Macron était passé avec des conseillers à Bruxelles quand il venait, on les voyait qu'il y avait un intérêt pour Ciudadanos, et ça clairement ils ont été voir, ils ont suivi. Donc ça, par contre le lien Podemos En Marche, non. Voilà. Et même parce qu'il y a une culture, voilà, il y a une manière de mettre en scène la confrontation, de désigner l'adversaire, une espèce de violence dans le débat public, qui en Espagne, il faut quand même, l'Espagne post-dictature et tout, c'est pas... C'est, les débats politiques étaient très feutrés pendant très longtemps, et c'était très ennuyeux. En fait, je parle sous le contrôle de certains Espagnols, peut-être dans la salle, mais c'était pas très... voilà, les débats télé, c'était très aseptisé. Il y avait une culture comme ça, ce que certains ont appelé la culture de la transition. Une culture de la transition d'après Franco, qui a un peu endormi tout le monde avec une forme de bipartisme, etc. Et là, il faut imaginer ce que ça représente, le surgissement en 4 mois d'un parti qui fait 8% aux européennes, puis jusqu'à 20%, avec un leader qui balance, quoi, qui va et qui... Donc du coup, ça a un effet, au-delà de l'histoire personnelle de Podemos, ça a eu un effet positif pour l'ensemble de la vie politique, parce que le PSOE avait des vieux leaders et socialistes, ils en ont pris un plus jeune qui a un nouvel agenda. Ça a eu un effet progressif sur... voilà, Ciudadanos s'est construit sur un truc de transparence de la vie politique. Tout ça, c'est grâce aussi par des effets de ricochet vertueux Podemos. Voilà. Et c'est peut-être ça, en fait, le plus important dans la dynamique actuelle, quelle que soit l'issue de ce que va devenir Podemos. Mais voilà... Non, après, il y a pas mal de trucs à dire sur les influences théoriques et tout, mais autre chose. Oui, quel avenir pour Podemos ? C'est compliqué. Moi, je pars... parce que là, il y avait des débats sur... je sais pas. Moi, je fais du journalisme, donc je fais pas Madame Irma, je peux pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est que le parti est très divisé, mais que structurellement, c'est en plus ce que j'ai essayé de dire un peu maladroitement tout à l'heure, c'est que je pense qu'ils ont, une très bonne analyse de la crise de régime, de la crise structurelle de l'Espagne. La question des territoires, la question de la corruption, voilà. Tout ça va ressurgir à un moment. La droite au pouvoir va sans doute rester jusqu'à son terme, ce qu'ils vont tenir. Mais je pense qu'ils ont compris le bon positionnement, donc à partir de là, je ne les vois pas disparaître, on ne va pas revenir à un bipartisme comme avant. Après, la grande question, c'est que que vont faire les socialistes ? C'est un peu ça maintenant la question. Jusqu'à présent, les socialistes ont diabolisé Podemos, et toute la presse mainstream officielle, et les grands quotidiens aussi, notamment El País, du groupe Prisa et tout, qui est un quotidien extrêmement... mon influence est très forte sur la gauche et les socialistes, ont diabolisé les prises de position de Podemos. parfois en pointant du doigt le fait qu'il y avait des connexions avec le Venezuela, etc., en s'intéressant au financement de Podemos. Il y a eu beaucoup de polémiques qui ont été très compliquées à gérer pour Podemos et qui devaient épuiser. Donc, tout ça fait que le PSOE s'est beaucoup méfié, et à tel point que pendant les négociations pour un gouvernement, les socialistes étaient plutôt ouverts à former un gouvernement avec Ciudadanos plutôt qu'avec Podemos. Ça, c'est la direction des socialistes. Il y a eu des désaccords sur ces lignes stratégiques au sein des socialistes, et maintenant il y a un congrès qui a lieu en juin, début juin, pour le PSOE. Et ça va être très très important pour l'avenir de Podemos et l'avenir des gauches en Espagne et l'avenir de ce que pourrait donner un gouvernement des gauches, parce qu'ils vont choisir soit un leader plutôt ouvert, plus à gauche, plutôt ouvert à un dialogue avec Podemos, ou alors au contraire ils vont choisir une option nous on préfère faire une grande coalition avec la droite ou Ciudadanos. Donc ça va être tranché en juin. Donc si tu veux, j'aurais tendance à te répondre, une bonne partie là de l'avenir de Podemos, c'est plus vraiment entre les mains de Podemos. Et après, il y a clairement, la deuxième réponse, c'est ce que vont faire les mairies. Moi je pense que, enfin c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est que les mairies sont l'expérience la plus réjouissante de repolitisation des classes populaires, de batailles très concrètes de gauche, par rapport à la puissance, enfin par rapport aux expulsions immobilières, par rapport aux politiques de soutien aux plus démunis, etc. Et donc, si les mairies continuent, et si Barcelone et Madrid parviennent à avoir un vrai bilan, je pense que eux, ça va les porter fort. À l'inverse, si les mairies s'endorment un peu ou n'arrivent pas à parer des coups parce que c'est super difficile de tenir face à plein d'adversaires politiques, là, ça va être plus compliqué. Donc si tu veux, ça dépend vraiment à la fois de ce que deviennent les mairies, et c'est pas vraiment Podemos, ça dépend de ce que fait le PSOE, et c'est pas non plus Podemos. Donc ça dépend de beaucoup de choses autour d'eux, quoi, pour l'instant. Voilà. Et sachant qu'il n'y a pas trop d'élections, on n'a plus trop d'élections, sauf éventuellement un référendum en Catalogne, qui va être très important, qui va mettre un bazar total, mais sur lequel Podemos n'a pas une position, ce que j'ai expliqué, ils n'ont pas la position la plus idiote au monde. Ils sont plutôt bien, moi je trouve, intelligemment positionnés par rapport à d'autres trucs. Ouais, je pense qu'ils font. Donc voilà, ça va, on va voir. Si on se réfère au marqueur qu'on avait dégagé la fois passée, on pourrait dire que, effectivement, donc le populisme, c'est pas une idéologie. Et effectivement, on peut dire que le parti Ciudadanos ne se présente pas tout de suite avec une idéologie, il se présente plutôt comme une alternative. La caste, c'est quand même l'explication, le mot clé qui dit on oppose l'élite au peuple. Il y a cette élite corrompue, on lutte contre la corruption, cette élite corrompue où les socialistes et la droite se retrouvent sur le même pied. Et puis il y a le peuple dont nous sommes les vrais représentants, les vrais défenseurs. Ça, c'est un démarqueur du populisme. Le clivage système-antisystème qui se substitue au clivage gauche-droite. Antisystème ou système. Le fait aussi qu'il y ait un rejet des médiations traditionnelles, donc les syndicats, les organisations de masse, etc., etc., sont un petit peu mises de côté. Il y a un dialogue direct qui doit s'établir avec les cercles, par exemple, donc le peuple en contact direct avec le pouvoir, et puis le leader charismatique. Sans leader charismatique, pas de grand succès du parti. Le fait qu'il a très très vite compris comment se servir des médias. On peut le comparer avec Beppe Grillo un peu. D'ailleurs, il y a entre le 5M, non, c'est un peu. Et 5 étoiles dans le 15M, il y a quelque chose. Ah, moi, après, si je peux, la comparaison, il a créé ses propres médias. C'est quand même un cas assez dingue. Et après, Iglesias reste, il a ce truc d'universitaire en sciences politiques, que Grillo n'a pas, puisqu'il a un background totalement différent. Et il est pas, enfin, il a une forme de construction qui fait qu'il séduit aussi bien plus là. Enfin. Il parle à beaucoup, il est capable de parler à beaucoup de gens. Et après, c'est un cas. Enfin, le rapport aux médias d'Iglesias, c'est assez génial à suivre. Moi, Il a complètement explosé par la télé, et par notamment avec une chaîne de télé, La Sexta, qui est une chaîne catalane, qu'il a perçu le premier, je crois, et après, enfin, après son expérience sur Internet. Et après, il a une espèce de passion pour le personnage. Mais je veux dire, il ne fait jamais des interventions creuses, ou non plus, c'est un... Voilà, c'est... Bon, et je vous laisse... Mais donc, c'est pas, il n'y a pas un paradoxe à être un universitaire, et donc, a priori, une des élites qui est rejetée par les populismes en Europe, c'est bien l'élite universitaire, et lui qui en vient, comment a-t-il réussi à pouvoir parler au plus grand nombre et être crédible, malgré qu'en réalité... Il vient d'une élite intellectuelle. Mais les universitaires ont mauvaise réputation. Je le crains, oui. En tout cas, c'est ce qui sortait très nettement dans le premier tour d'horizon que nous avons fait. Oui. Ouais. Alors, la Complutense, d'où il vient, est une université de gauche. On peut dire ça, non? Oui. Je pense qu'on veut contrôler. Mais par contre, alors, comment est-ce que lui arrive à... Je ne sais pas, dans le langage, dans la façon de se présenter, comment est-ce qu'on peut le décrire alors? S'il faut le décrire... Oui, non, mais, effectivement, il a une queue de cheval, il surjoue... Oui, il a un look, hein. Ouais. Il a, voilà, non, tout à fait, ouais. Il a tout le temps... Alors, ils ont un grand truc, moi j'en parle dans le bouquin, pour le coup, les mères, ils ont souvent des chemises à carreaux de hipster, trentenaire, mais plus trop à la mode, mais ils jouent il y a des codes, effectivement. Il y a une manière, moi je le trouve au début, en tout cas, il y a une manière très agressive de porter la colère et de... Voilà. Mais c'est tout le débat, c'est-à-dire que ça, c'est le débat des débuts. Et alors vraiment, le type qui transmet sur les plateaux télé la colère du pays et les victimes de la crise. Là, le débat aujourd'hui, il est un peu décalé, c'est-à-dire, ok, on tient ces 20%, qui sont là, qui sont avec nous, et maintenant, qui sont ceux qui manquent, Los que faltan, et comment on va les chercher? Et donc, est-ce qu'il faut faire autre chose que d'exprimer et de porter la colère, et de dire avec tout le brio, l'intelligence et les citations, et Chantal Mouffe et compagnie? Et pour aller les chercher, est-ce qu'il ne faut pas se montrer plus habile dans des jeux parlementaires, changer un peu l'image, même si au fond, on garde le même programme? C'est-à-dire, c'est ça leur truc stratégique, leur débat stratégique. Mais c'est vrai qu'après, il faut regarder... Oui, non, mais moi, je pars du principe... Effectivement, il a une manière, un code, une manière de s'exprimer qui est très différente, quoi, qui tranche avec la vieille classe politique de l'époque. Oui. Chantal Mouffe, il faudrait peut-être dire un mot de plus, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens la connaissent. J'ai voulu de manière... C'est une importance évidente, aujourd'hui. Oui, bah, surtout, hein, je voyais Benoît Hamon, dans le débat présidentiel, maintenant se réfère à Chantal Mouffe. Ils sont tous devenus Chantal Mouffe, je ne sais pas comment dire. En fait, je voulais demander quel est le rapport entre le développement du Parti Socialiste en France et le Parti Socialiste en Espagne. Parce que du coup, peut-être Pedro Sánchez, de quelque façon, représente quelque chose de similaire à Benoît Hamon. Ah, ouais. Ouais, alors, c'est difficile de... Donc peut-être Podemos a été capable un peu de tirer au Parti Socialiste, au moins la base du Parti Socialiste à gauche. Et donc, un peu comme Hamon, qui a tiré très à gauche. Ouais. Non, ouais, et comme Corbyn en Grande-Bretagne. Mais ça, moi, je le vois plus comme un truc de l'effet des primaires aussi. Qui, aux primaires, se déplacent les gens les plus mobilisés et peut-être les plus radicaux par rapport aux électeurs en bas d'un parti. Et moi, comme Fillon était clairement l'aile droite des Républicains, était élu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc un peu de l'effet des primaires qui a radicalisé les choix des candidats. En tout cas, pour la présidentielle française, c'est assez net. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont beaucoup plus... qui sont pas forcément représentatifs de l'électorat général de leur parti, je trouve. Je sais pas si je suis clair. Mais du coup, sur... Ouais, je sais pas trop, sur Hamon, Sanchez... Mais... mais le topo Chantal Mouffe, par contre, quelqu'un peut le faire ou faut que je le fasse? Oui, tu peux. Non, mais le... Alors, Laclao et Mouffe étaient ensemble, non? Ouais, ça. C'était un couple. Ah, mais tu veux pas le... faire un topo? Ouais, c'était un couple. Ils ont beaucoup étudié, en fait, ce mouvement en Amérique latine. Non, mais surtout le péronisme. Donc, ouais. Ça peut-être... Vas-y. Allez-y, j'ai... Mais sur le péronisme, donc à la fois Perón, grand leader charismatique, effectivement, et qui est avec des politiques de clientélisme en Argentine pendant à la sortie de la guerre, tient les classes populaires, et avec la personne d'Eva Perón, etc. J'entendais même que des gens disaient que Ada Colau avait une espèce de mystique Eva Perón, la mère de Barcelone. Bon. Mais du coup, la Clau, donc le théoricien argentin, c'est lui qui a vraiment construit ce truc de populisme de gauche, avec l'idée que justement, il ne faut pas que laisser l'extrême droite et la droite le champ là-dessus. Et donc c'est là où il y a l'histoire des signifiants. C'est là où il faut m'aider. Oui, il faut reprendre des. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple concret de comment Iglesias fait du Laclau et compagnie. Pendant sa campagne en juin 2016 en Espagne, il a fini plusieurs de ses meetings en parlant de la patrie, de l'ordre et de la je ne sais plus quoi, mais il a 25 fois il a parlé de patrie. En Espagne, parler de patrie pendant un meeting politique, ça ne rappelle pas la démocratie. Et c'était clairement, enfin moi j'ai trouvé ça hallucinant, même si ça fait partie d'une stratégie de universitaire politique qui applique Ernest Laclau, c'est un drôle de truc à entendre. Et eux revendiquent la patrie, parce qu'ils décident que la patrie, il ne faut pas la laisser à la droite ou à l'extrême droite pour construire et séduire les électeurs populaires qui seraient tentés par ça, et qu'eux veulent capter cet imaginaire-là, ces mots-là, pour les récupérer et construire un électorat de gauche, mais en prenant les signifiants de l'adversaire. Bon, alors ça donne des glissements assez bizarres, mais voilà, donc il y a ce travail un peu sur un peu des personnes. Un autre point sur ces trucs-là, c'est par exemple, donc c'est un peu prendre des signifiants. Eux, patrie, pour eux, c'est un signifiant de... ils ne l'associent pas à Patrick Franco. C'est pas Franco pour eux, c'est les services publics. Donc là, quand on parle de la patrie, c'est en fait, on va défendre les services publics à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'ils le disent. Un autre truc, par exemple, ils soutiennent la maire de Madrid, Manuela Carmena, donc, qui est une des maires dont je fais le portrait et que moi je trouve passionnante. Manuela Carmena, c'est quelqu'un dont le parcours, c'est une juriste, elle a presque, elle a 60, je sais pas combien, 10. Elle est très respectée dans toute l'Espagne parce qu'elle a été une des juges contre qui a beaucoup combattu le franquisme à la fin des années 70. Et ensuite, elle s'est reconvertie en espèce de juge des droits de l'homme dans des combats partout dans le monde. Et elle est vraiment extrêmement consensuelle comme figure. Lutte contre la corruption, c'est un peu une sorte d'Eva Jolie, mais beaucoup plus consensuelle que, comme on pourrait avoir en France. Et elle, qui parle du coup à toutes les classes, toutes les parties, enfin, elle est vraiment transpartisane et tout, ils l'ont récupérée. Elle n'a pratiquement pas parlé de programme, mais c'est sa figure et ses combats qui parlaient pour elle. Et ensuite, derrière, c'est toutes les troupes de Podemos, ses compagnies qui sont derrière, avec leur programme de gauche, mais qui ont utilisé un peu Carmena comme un signifiant vide, ils appellent ça comme ça, c'est un peu dur, mais comme une image qui parle à tout le monde, ni droite ni gauche, nanana, parce que tout le monde l'aime, qu'on soit dans les maisons de retraite, mais aussi les jeunes l'adoraient, etc. Il y a un truc. Et voilà, donc ça c'est des idées de populisme de gauche, c'est un peu ça ce qu'ils essaient de mettre en place. Alors ça marche parce que derrière il y a 25 000 trucs de réseaux sociaux, il y a une créativité, il y a des émissions en ligne, il y a... voilà, ce qu'il faut dire aussi dans le rôle des médias, ça c'est important, mais je suis un peu décousu, mais pour comprendre, parce qu'on disait hyper leadership, rôle des médias, très bon client dans les médias et tout, oui. Mais ça arrive aussi, pour placer l'Espagne, crise de régime, il y a une crise des grands journaux, comme dans plein de pays. Et la crise économique et financière depuis 2008 en Espagne a fait aussi qu'il y a des nouveaux journaux en ligne qui sont surgis, un peu à la manière de Mediapart, pour le coup, qui ont fait de l'enquête, qui ont dénoncé la corruption, qui ont sorti des affaires. Donc c'est El Diario, Publico, qui était avant un journal papier mais qui est parti en ligne, Info Libre, il y a toute une galaxie de trucs qui n'arrivent pas au stade des télés, mais que Podemos a complètement réussi à investir, etc. Donc il marche très bien aussi parce qu'il y a un nouveau modèle médiatique, etc. Ils sont, pour le coup, ils ont vraiment été en adéquation avec toute cette transition-là. Donc c'est assez... là-dessus, c'est évident. Et l'agenda même que se sont donné ces médias, les priorités que cherchent ces journalistes-là, les questions de la corruption, des affaires, hein, quelque part sert aussi l'agenda des indignés et de Podemos. Et ça, nous, pour le coup, à Mediapart, nous, c'est clairement une de nos transparence de la vie publique, corruption en politique, etc. Nous, là-dessus, on a le même ADN. Petite... Pardon, je parle. Ça va ou... Allez-y. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi est-ce qu'en France, avec nous debout, on a eu l'émergence d'un parti politique derrière, comme avec le 15e et Podemos ensuite? Alors, moi, la réponse que je fais, c'est que la leçon, c'est un peu ce que j'ai été long au début sur la chronologie, mais parce qu'en fait, c'est 5 ans, en fait, de Nuit Debout, de les indignés en 2011 à Podemos, déjà, c'est 3 ans, les victoires de mairie, c'est 4 ans, et aujourd'hui, donc, il y en a 5 ans de Nuit Debout. Et ce que je voulais dire, c'est que juste après les élections législatives, juste après le mouvement indigné, c'était une victoire absolue de la droite. Donc je pense qu'il y a un décalage complet entre des mouvements sociaux et des mobilisations de terrain qui émergent, dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont devenir parce que ça prend du temps, et la traduction dans l'arène institutionnelle électorale classique. Ça me paraît assez sûr. Après, moi je dois avouer que pour avoir été dans les deux, avoir suivi beaucoup l'Espagne, un tout petit peu Paris, en tout cas que à Paris, mais de groupe, il y avait un truc un peu de... Pour moi, il y avait un truc de... Comment on appelle ça? Un voyage dans le futur. J'ai revécu quelque chose qui était plus trop pertinent avec le moment dans lequel on était. C'est-à-dire... comment on appelle ça? Un anachronisme. Il y avait un truc un peu d'anachronisme. Je disais un truc, on a présenté ça en France comme « Wow, c'est le début d'un truc nouveau ». Sauf qu'en Grèce, en Espagne, hein, il s'était passé ça il y a 5 ans, et on est dans des questionnements totalement différents aujourd'hui. Donc je regardais ça avec un peu de recul, mais parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'Espagnols qui sont allés, qui étaient enthousiastes, et en même temps, les batailles d'il y a 5 ans sont un peu différentes. Maintenant, elles se sont déplacées. Par exemple, toute la thématique de l'Europe allemande, qui allait très fort à l'époque, il me semble que là, on n'est plus trop avec la question des réfugiés, des migrants sur l'Europe. Tout ça a un peu bougé quand même. Donc voilà, et après je pense que l'intensité, ce qu'il y a eu à Paris, on parle de... Enfin, il y a eu un côté massif au mouvement des indignés en Espagne, qui était, voilà, dans toutes les villes, il y a un souvenir, il y a beaucoup de gens ont participé dans toutes les villes du pays à ça, beaucoup de gens ont vu sous leur balcon ou en sortant de la rue qu'il se passait ça, il y avait des campements et qui sont allés écouter les assemblées. En France, on est resté sur Place de la République et à Paris et quelques autres places, à Lyon et ailleurs. Il n'y avait pas le côté massif. Pour donner une idée, il y avait des sondages à l'époque, au moment des indignés en Espagne, où on disait 80% de la population soutient les revendications. Alors, c'était lutte contre la corruption, transparence, fin des politiques d'austérité, parce que ça allait trop loin. Et donc, il y avait vraiment un soutien de tout le monde pour ce mouvement-là. Je n'ai pas du tout senti ça en France aujourd'hui, quoi. Mais parce que la France, enfin, les débats sont un peu ailleurs aussi. C'était très bien. Nuit Debout a essayé de casser un peu l'agenda sur la question de l'islam, la question de l'hypersécuritaire, de l'état d'urgence post-attentat, etc. Mais n'a pas vraiment réussi à peser par rapport à l'ampleur de... Voilà. Je dirais ça. C'était peut-être pas les mêmes gens aussi. Les mêmes gens? Ouais, alors, sur la sociologie... Ils étaient beaucoup plus extrêmes dans leur... Il y avait, moi c'est, alors ça, moi, je ne pourrais pas l'établir, mais on disait qu'il y avait beaucoup plus de gens des partis qui ne se cachaient pas en tant que membres de partis traditionnels, NPA et compagnie, alors qu'en Espagne, il y avait ces débats-là aussi, hein, à Sol et tout, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait des infiltrés de partis politiques qui voulaient récupérer le mouvement, mais c'est vrai qu'il y avait une forme de consensus. C'est vraiment, quant à Sol, il y a vraiment une génération, je pense. Il y avait beaucoup les collectifs de précaires, d'étudiants qui étaient contre la précarité dans le monde du travail, qui étaient à Sol. Et eux ont vraiment travaillé, par exemple, des questions très consensuelles et à essayer d'englober, d'inclure des gens de plusieurs générations, etc. Après, la question de la sociologie, moi je suis assez critique dans les deux cas, c'est-à-dire que le mouvement indigné, c'est quand même des... majoritairement, hein, sauf si certains y étaient, hein, mais des blancs diplômés, et urbain. Donc là-dessus, c'est une des limites du truc. Et à Paris, c'était clairement une des limites, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun... C'était en plein centre de Paris, beaucoup des étudiants des facs parisiennes. Et c'est quand même une limite, parce que ça reflète en rien le pays, et les vraies questions politiques les plus urgentes, elles ne sont pas forcément dans le centre de Paris en ce moment. C'est les rapports au quartier populaire, le rapport postcolonial et tout ça. Et ça, le Nuit Debout l'a posé, mais je pense qu'il y a une... Moi, je n'ai pas fait la sociologie de Nuit Debout. Mais il y avait ces mêmes questions sur Assol. Moi, j'ai trouvé la question, par exemple, des migrants était totalement absente. On était vraiment sur d'autres choses. C'était pas le cœur de ça. Et Podemos, ça n'a pas du tout un... Bon, ils ont un discours là-dessus, mais les mairies, par exemple, sont beaucoup plus offensives. Par exemple, la maire de Barcelone a organisé une manif il y a deux semaines, 10 jours, en soutien aux migrants. Et ça, c'est typiquement un truc, à mon avis, que Podemos ne ferait pas, parce qu'eux, ils ne veulent pas du tout se braquer, parce qu'eux, ils sont dans un truc de populisme de gauche, et qu'ils ne veulent pas se braquer mais tu vas peut-être pas être d'accord, mais ils ne veulent pas se braquer un électorat de droite un peu dégoûté par les affaires de corruption, et qui pourrait être séduit par un Iglesias un peu autoritaire qui parle de patrie et de compagnie. Alors que les mairies sont beaucoup plus pragmatiques en disant non, la crise des migrants c'est grave et on les soutient, etc. Quitte à perdre. Le problème de migration, il y a une certaine ambiguïté. Ouais, alors j'ai pas creusé. Non, mais ce que je vois, c'est qu'ils n'en ont pas fait une priorité. Après, je pense qu'au Parlement européen, ils votent de manière très propre et il n'y a aucun problème sur ce qu'ils défendent. Mais dans les priorités de la campagne, mais par contre, ils sont très offensifs sur des sujets qu'on n'entend pas forcément ici, mais sur la question, par exemple, de l'égalité homme-femme, des violences faites aux femmes, sont des questions décisives en Espagne aujourd'hui. Eux sont vraiment très, très... Alors qu'ils sont une direction, c'est que des mecs, pratiquement. Ils ont un vrai problème là-dessus de voilà, c'est que des mecs madrilènes qui sont... Non, ça c'est. Mais là, ils viennent de nommer une porte-parole à l'Assemblée qui est une porte-parole au Congrès, au bout de quand même 3 ans d'existence. Donc, voilà. Mais pourquoi je dis ça? Non, qu'ils sont quand même très offensifs sur certaines thématiques. Donc, ils sentent qu'il y a plus. Parce que, pareil, là, je pense, hein, la question d'égalité homme-femme et violence faite aux femmes, quelque part, c'est aussi peut-être plus consensuel, j'en sais rien. Plus classiste. Que les. Ouais, que les migrants. Donc, ça, il faudra un peu. Ouais. Et est-ce que la différence entre Podemos et Nuit Debout, c'est pas dû aussi à l'hyper-professionnalisation et institutionnalisation de la politique française par rapport à la politique espagnole? Parce que, je sais pas, mais le système espagnol, il a un peu éclaté, on a du mal à trouver une majorité il y a plusieurs années. Là, en France, ça, on va voir en pleine scène, ça commence, on n'a pas trop de majorité, les citoyens veulent reprendre un peu de pouvoir, alors qu'en Espagne, ça fait 2 années que c'est déjà annoncé. Ouais, alors ça, moi, j'ai pas la réponse, mais sur l'éparpillement, ça, c'est une tendance européenne. C'est la crise de 2008 a fait que les grands partis. Déjà, il y a une tendance à la crise de la social-démocratie. Donc, tous les partis sociaux-démocrates sont en crise et sont contestés par des partis sur leur gauche et compagnie. Ça, c'est structurel, parce que la social-démocratie a un discours, notamment sur la question européenne, qui est pas facile, en tout cas, avant, on va dire comme ça. Et ensuite, la question de l'éparpillement, c'est dans tout. Enfin, je sais pas, même par exemple l'Irlande, ils ont mis 4 mois à former un gouvernement. Bon, la Belgique, voilà, c'est des questions beaucoup plus anciennes qui sont pas liées à la crise économique. Je pense pas que ce soit lié à la crise des dettes souveraines. Mais ce truc-là qu'a connu l'Espagne, qui était. Voilà, c'est juste qu'ils avaient. C'est la première fois qu'on sortait du bipartisme, un an presque à former un gouvernement. En France, effectivement, je serais pas. Effectivement, en tout cas, on est clairement dans un truc de dispersion des voix. Après, on ne sait toujours pas combien on va avoir de candidats, et donc là, Jadot s'est retiré, donc ça va quand même tendance à renforcer l'idée qu'il y ait 5 candidats. Bon, je sais pas. Mais sur les trucs de dispersion, en tout cas, ça c'est une loi. Il y a eu plein d'articles là-dessus. Je ne sais plus, donc en Italie, par exemple, avec le surgissement du mouvement AfD, toute la crise a provoqué le surgissement de nouveaux partis. En Allemagne, avec l'AfD qui va sans doute rentrer au Bundestag cette année, la crise a provoqué la création de nouveaux partis, de contestation, à droite ou à gauche, ce qui fait que les partis traditionnels sont disputés. Donc la gouvernabilité, c'est plus compliqué, enfin, les coalitions, c'est plus compliqué, et ça a un impact aussi sur le type de mesure, parce que chaque mesure, maintenant, d'un gouvernement est le résultat d'un compromis. Et du coup, ça va être très difficile pour les partis de tenir leurs promesses aussi. Ouais. Mais ça, je n'ai pas sur la comparaison de France. En fait, en France, on a un peu l'impression qu'un parti politique, il est un peu intouchable, en fait. Et, un parti politique, en tout cas. La politique, en général, c'est un peu quelque chose de... qui est au-dessus des Français, c'est vrai, on a l'impression que c'est intouchable, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et là, on est exactement dedans en France, en ce moment. Ouais, en Espagne, c'est pas... C'était le cas aussi, c'est la base de départ. Ouais, ouais, c'était, tout était gelé. Ça a déjà éclaté, alors qu'en France, ça fait plusieurs temps que ça commence. Non, mais alors après, la question qu'on me pose souvent sur le bouquin, c'est pourquoi ça s'est passé en Espagne et pourquoi ça s'est pas passé en France. Et là, il y a plusieurs types de réponses qui sont, mais notamment, moi j'ai une analyse très macroéconomique là-dessus, quoi. C'est qu'il y a la gravité de la crise en Grèce et dans une moindre mesure en Espagne, c'est 25% de chômage, hein, quand même. Chômage des jeunes, c'est 50%, donc jusqu'à 24 ans. En France, et les cas de corruption, si tu veux, c'est pas un cas de corruption, c'est chaque semaine, t'as une histoire lunaire d'un réseau. Parce que si c'est passé, si on rentre un peu dans le détail de la structure du pays, c'est t'as des régions, à chaque fois t'as le baron local, donc qui est socialiste ou parti populaire. Et ce qu'on a découvert au moment de l'effondrement de la bulle immobilière, en 2007-2008, c'est qu'il y avait des connivences et des systèmes de rétrofinancement entre les banques régionales, les promoteurs immobiliers qui construisaient beaucoup, les banques qui filaient les prêts, et les politiques au pouvoir, donc soit socialistes, soit conservateurs. Et donc, tous ces trois trucs-là du triangle s'auto-entretenaient, et on fait ça pendant des décennies, c'est la croissance espagnole spectaculaire, ça crée une bulle. Tout s'effondre, et hop, on découvre des tonnes de scandales. Et c'est pas on découvre un scandale qui est l'affaire Kozak, c'est on découvre dans chaque région un truc surréaliste de financement structurel du parti par l'argent des promoteurs immobiliers, par exemple. Le Parti Populaire, je crois qu'ils ont au moins trois grosses affaires en ce moment, à Madrid, à Valence, etc. Là, il y a une histoire à Murcie qui vient de sortir, ça n'arrête jamais. Et le type, Mariano Rajoy, qui est au pouvoir, est le type qui dirigeait le Parti Populaire depuis les années 90, tranquillement. Donc, il connaît forcément tout ça. Donc, on est quand même à un niveau de... Donc, il faut situer le niveau de ras-le-bol de la population par rapport à ça, de dégoût. Et Rajoy qui reste au pouvoir, c'est pour ça que c'est dingue qu'il a un deuxième mandat, mais il reste au pouvoir le deuxième mandat parce qu'il a fait un calcul, ok, dispersion, pas mal, mais lui, il a su mobiliser son électorat qui allait voter et qui est plutôt âgé, plutôt rural, et il a sécurisé ce truc-là, et il a été très très mal, il a perdu beaucoup de voix par rapport à il y a 4 ans, mais il tient, parce que la gauche a pas réussi à se mettre d'accord, etc. Mais, comparaison France, je dirais, gravité de la crise avec le chômage qui est beaucoup plus fort qu'en France, scandale de corruption gigantesque. Et je pense que avant le surgissement des partis, le bipartisme PPP-SOE était vraiment beaucoup plus... j'ai parlé de la culture de la transition, si tu veux, c'est une manière de... Les débats à la télé, c'est, tout était feutré, ennuyeux, on faisait des courbettes aux élus et tout. Tout ça a volé en éclats, mais c'était vraiment un ras-le-bol. Les années, ça a été, on n'en peut plus de ce truc, quoi. Voilà, mais de toute une culture et un rapport à la politique. C'est en ce sens-là que les indignés, ça dépasse complètement Podemos. C'est, Podemos, c'est juste un exemple du mouvement indigné qui a créé des associations, des contre-pouvoirs, qui a créé des mairies, qui a créé... Enfin, voilà. Je pense que la nature des scandales est un peu différente aussi, parce que en France, comme en Belgique d'ailleurs, les scandales dits politico-financiers, c'est surtout de l'abus des biens publics. Donc, on fait travailler sa femme, on distribue les mandats aux copains, mais c'est de l'argent public qui est en quelque sorte ramassé par les élus. Tandis que là, il s'agit vraiment de collusion avec avec la finance, là. Avec les banques, avec le privé. Il s'agit vraiment de recevoir du fric, d'être arrosé par le secteur privé. Là, on a découvert, enfin, l'affaire Barcenas, par exemple, c'est quand même des accusations de financement du premier parti espagnol qui est toujours au pouvoir par une liste de je ne sais combien de groupes immobiliers et de promoteurs. C'est de la corruption, c'est la différence, c'est le mot corruption qu'on peut utiliser là. En France aussi, mais là c'est pas un but bien sociaux. Non, mais là c'est vraiment structurel, c'est vertigineux. Après, je ne veux pas relativiser non plus à quel point je trouve ça choquant des cas en France ou quoi, mais je pense que c'est un autre niveau. Ouais. Et ça renforce l'idée. Aussi, qui favorise sans doute plus un populisme d'extrême droite que la classe dirigeante est corrompue, que la classe dirigeante profite du système, exactement, qu'elle a monopolisé le système à son profit, le système politique, qui donc ne peut plus fonctionner comme ça, etc. Ouais. Et que donc la démocratie, en quelque sorte, est mise en péril. Oui. Je serais intéressée qu'on parle un petit peu de la Grèce et, en fait, et du parallèle justement entre Podemos et Syriza. Parce qu'au début, on parlait d'une forme de solidarité entre les deux. On faisait souvent le parallèle entre les deux. Et ensuite, il y a une forme de désolidarisation. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors, et aujourd'hui, comment ils se situent? Parce que je... bah, le, simplement, si on... C'est-à-dire que les relations ont toujours été... Donc il y a tout de suite eu une bonne entente Iglesias. Tsipras, jeune leader charismatique quand Tsipras était dans l'opposition. Mais il y a un problème de fond qui est que Podemos revendique la transversalité, ni droite ni gauche, et que Syriza, c'est des communistes qui ont fait à un moment de leur congrès une alliance avec plein de partis de gauche, mais qui revendiquent plus que jamais. Et Tsipras, c'est un leader communiste à la fac et qui est vraiment un apparatchik PC classique. Iglesias l'est aussi, hein. Il a fait ses jeunesses communistes et tout, simplement sa stratégie c'est pas le dire. Donc il y a toujours eu déjà un truc de, à la fois c'est les meilleurs alliés parce que même génération, ils se parlent bien, ils se connaissent, ils sont intelligents tous les deux, mais en même temps, pas du tout les mêmes stratégies de prise de pouvoir. Et après il y a eu le grand divorce au moment de 2015, à l'été 2015 quand il y a eu le fameux, donc Tsipras a été élu, Syriza au pouvoir, négociation à Bruxelles, été 2015, le renoncement, comme ça a été dit par la presse grecque et tout, sur en gros, Bruxelles impose une série de réformes structurelles et oblige Syriza à faire de l'austérité, des réformes structurelles, pour qu'il reste dans l'euro. Et là, il y a une partie, donc Iglesias a défendu Tsipras sur ça, genre il faut faire des deals, etc. Quand Mélenchon et toute une partie de la gauche radicale en France, par exemple, Mélenchon a dit, donc, alors que Mélenchon était très proche de Tsipras, il a dit c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, j'aurais fait différemment. Et depuis, en fait, ils considèrent qu'ils n'ont plus de relation avec Syriza à cause de ça. Mais simplement, ces différences-là, elles existent aussi au sein de Podemos. En fait, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail que ce que j'ai fait de manière très schématique pour l'instant, parce qu'il y a plein de courants, il y a une partie de Podemos qui soutient davantage, par exemple, les positions d'un Mélenchon sur l'idée, et qui a critiqué très fortement Tsipras aussi. Alors aujourd'hui, après, je pense que le fait qu'il soit au pouvoir à faire de l'austérité et tout fait que c'est plus un argument de campagne, enfin, que Iglesias a plus du tout intérêt à jouer la proximité avec Tsipras. Et ils ne peuvent pas dire que quand ils seront au pouvoir, ça va donner ça. Donc, il n'y a pas, il met en scène rien. Après, n'empêche que c'est des leaders trentenaires, enfin, Iglesias a 37 et je pense qu'il va avoir 40, et qui viennent vraiment du même background avec une culture européenne. C'est pas si fréquent. Hein, en France, en tout cas, on n'a pas toujours des leaders formés à l'international et tout ça. Voilà, je ne peux pas dire beaucoup plus là-dessus, mais c'était un gros argument de campagne, la proximité sur les premières élections, et ça l'est plus. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, c'est l'extrême droite qui a profité de la crise et non plus la droite, alors qu'en Espagne, c'est populiste à gauche? Est-ce qu'il y a une explication Moi, j'ai des explications, mais là, ça m'éloigne de mes compétences traditionnelles de trucs. Et c'est plus une lecture politique. En tout cas, le Front National a... Moi, je trouve préempter des thématiques qui est très fort sur des thématiques de gauche. Ils ont, à l'inverse que Podemos, qui a été de Marine Le Pen, par exemple, sur les questions qui marchent très fort sur le libre-échange, la critique du libre-échange et des traités commerciaux. Mélenchon, il est aussi contre, mais n'empêche que c'est plutôt le Front National qu'on entend systématiquement là-dessus. La critique de l'Europe, de la construction européenne, Mélenchon l'a fait aussi, mais Le Pen est sur un truc beaucoup plus... systématique et plus clair, même si c'est problématique sur la sortie de l'euro. Moi, le plan B, je sais pas, tu es français ou tu es belge ou tu... Non, mais du coup, le programme de Mélenchon, moi, c'est mon travail. Hein, de... Et ça, je veux pas être. Enfin, moi, c'est... Non, mais en tout cas, je trouve que c'est pas simple à comprendre son programme sur l'Europe, pour le dire diplomatiquement parlant. Alors que celui de Marine Le Pen, j'ai très bien compris ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire un référendum sur l'euro dans 6 mois après son élection. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça de clarté sur des sujets qui sont des marqueurs à gauche, en fait. Donc je trouve qu'elle a réussi à préempter un électorat, voilà, mais c'est le basculement classique, le fait des classes populaires qui votaient PC avant, qui maintenant sont tentées par le vote FN. Et c'est vraiment c'est un débat difficile à... Hein, mais moi, sur mes questions à moi, libre-échange, euro, tout ça, la critique qu'il porte, c'est la critique qu'elle fait, elle, parce qu'elle les a identifiées très tôt. Et voilà. Après, ça peut pas dire. Après, il y a les faiblesses de surface, etc. Mais ça, je ne peux pas trop rentrer là-dedans. Il y a peut-être aussi une différence entre la France et l'Espagne, c'est le passé colonial, la présence d'une forte immigration d'origine des anciens pays colonisés, complètement, qui donne un tout autre ton, une toute autre couleur à la question de la répartition de la misère. Dire l'électorat traditionnel du Parti communiste s'il vire au Front National, c'est parce qu'il a ressenti, que ce soit réel ou non, que le gâteau n'était plus le même, qu'il fallait le partager, et que s'il faut qu'on le partage, il faut qu'on le partage entre nous. Et qu'on... Non, mais bien sûr. Et ça, je suis d'accord. Ouais. En fait, moi, je pense que ce qui a très bien marché, je trouve, sur Podemos et tout, c'est qu'ils ont identifié ce qu'ils appellent la crise de régime du pays, le problème des institutions, la corruption, comme j'ai dit, et aussi la question territoriale. Et qui est lié aux institutions qu'ils ont héritées du franquisme. Parce qu'il y a eu cette transition pactée avec ceux qui avaient travaillé sous Franco, il n'y a pas eu une rupture nette. Et donc, ils ont mis le doigt sur un truc très très juste sur l'Espagne. Ils ont une très bonne année. C'est des universitaires super brillants qui ont tout compris. Et donc, après, la question c'est je pense qu'ils ont mis le doigt sur des choses très très justes du pays. Ils font de bons diagnostics. C'est pour ça que je répondais sur Nuit debout. Mais effectivement, grandes questions françaises, c'est pas du tout le rapport, enfin, je pense pas que ce soit le rapport territorial ou le rapport de Paris avec la Bretagne ou je ne sais quoi. Non, mais je pense par rapport à la Catalogne. Mais effectivement, on est sur la question du rapport de la France au Maghreb, le passé colonial, le post-colonial et comment on va. Toutes ces questions-là, c'est super dur de... Et je ne sais pas, ça je ne sais pas assez si c'était dans Nuit debout, mais effectivement, si on réfléchissait à faire un calque, déjà Podemos, machin, pourquoi pas, enfin moi je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de faire ça, mais en tout cas, il faudrait que ça tourne autour de ces questions, donc peut-être un leader qui vienne, voilà, des quartiers populaires, ou qui incarne autre chose, ça ce serait... C'est exactement ce que, quand Ada Colau qui vient de la lutte pour le logement, enfin, les expulsions, c'était l'essentiel de la bulle immobilière, c'est le modèle de croissance de 30 ans du pays et tout, elle incarne ça, elle incarne quelque chose de l'histoire du pays aussi. L'équivalent là en France, mais ça c'est vraiment des trucs perso, c'est pas mon travail de terrain en Espagne, je pense que ça joue effectivement dans le rapport à, plutôt voilà, à un passé colonial qui n'est pas du tout assumé ou compliqué malgré. Ça je dis ça à moi, c'est pas de l'expertise. Moi, c'était pour revenir sur justement à Barcelone, de ce que je sais, hein, c'est pas grand chose, mais quand la maire a été élue, il y a un moment où elle a été un peu forcée à expulser un squat, justement. Elle avait été très critiquée pour ça. Justement, comment on reste populiste, si j'ose dire, tout en faisant ce genre de mesures anti-populistes, enfin, assez peu populaires, quoi. Et là, contre ce qu'elle représente au départ. Ouais. Mais comment, ça, tu l'as entendu comment, ce chemin? C'était un Barcelonais, un ami qui m'en avait parlé, et c'est juste ça que ça faisait pas mal de... Parce que ça a pas fait, moi j'ai pas fait... Ouais, d'accord. Parce que ça a pas été... Non, c'est un gros truc, effectivement. Parce qu'en plus, c'est celle qui est une ancienne squatteuse et qui bloquait les expulsions. Ouais. Donc ça, c'est dans le quartier de Gracia, et ça a été une grosse bataille où elle a... défendu, mais aussi pas que, les policiers qui faisaient aussi leur boulot. Donc la question c'est comment... C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle était un peu montée. Ouais, alors moi je la mets pas, moi pour moi Ada Colau elle est pas dans la même catégorie de populisme que Podemos Iglesias. Mais elle est vraiment, elle est dans un truc beaucoup plus... je montre que je suis compétente parce que je suis au pouvoir et je fais des choses et je fais des réformes et les choses sont... Elle est vraiment dans un truc comme ça. Alors on peut dire que ce pragmatisme est une forme du populisme. On peut dire que c'est une forme de populisme aussi de refuser un peu de théoriser ou refuser de faire de l'intellectualisme ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, elle est vraiment un truc concret. Et très vite, au bout d'un an, elle a fait un deal avec les socialistes qui sont venus au gouvernement local. Donc si tu veux, il y a vraiment un truc. Les socialistes, pour Podemos, pour le coup, tu vois, ça... Ça reste la raison pour laquelle ils ne sont pas au pouvoir, ils n'arrivent pas à parler au PSOE. Ada Colau, en 6 mois, elle avait dit un truc, et ils sont rentrés au gouvernement, et elle avance. Donc c'est clair, elle a décidé, là-dessus, elle s'est reniée en partie par rapport à sa culture d'où elle vient. Mais je pense que sa stratégie, c'est de dire qu'elle a trois priorités et qu'elle va tenir ses trois priorités et que le reste, elle va lâcher. Donc ses priorités, c'est la construction d'une ligne de métro pour les plus pauvres, c'est de bloquer la construction d'hôtels, de nouveaux hôtels, pour la décroissance de la ville, enfin, tu vois, des trucs très identifiés. Et si tu veux, l'histoire du squat, ça marque beaucoup la gauche catalane, qui est en partie celle qui vote pour elle. Mais je pense que c'est plutôt... Il y a des gens plus à gauche qu'elle dans la gauche catalane, notamment des anticapitalistes, de la coupe, s'il vous plaît. Et je pense que c'est plutôt cet électorat-là, en s'alliant avec les socialistes, elle l'avait perdu, cet électorat. Donc elle a assumé. Donc oui, elle s'est un peu recentrée, l'exercice du pouvoir et tout. Mais n'empêche que c'est aussi Ada Colau qui lance des monnaies locales à partir de cette année dans deux quartiers les plus pauvres de Barcelone. C'est aussi celle qui rend piétonne plein de rues de l'Eixample du centre de Barcelone qui, en organisant des consultations sur internet des citoyens pour qu'ils décident de ce qu'ils veulent faire, donc un peu l'anti, si je peux me permettre, piétonnier de Bruxelles, où là pour le coup c'est un an de travail de démocratie participative avec les habitants et tout pour décider de ce qu'on va faire des rues et de comment on va les construire ensemble. Donc si tu veux, oui, il y a eu ce point de crispation énorme parce qu'il touche à sa culture qui est très fort, et puis à Barcelone, la culture des squats, c'est super important. Voilà, mais je pense que ça rentre dans une forme d'institutionnalisation qui est obligée de voilà. Moi, tu voteras plus pour elle, c'est ça? Quoi? Tu ne voteras plus pour elle. C'est juste que ça m'a un peu étonné, ça. Oh, non, elle a aussi pris des mesures sur les vendeurs ambulants, tu sais, donc il y a plein de... l'idée et de voir ce que vous en pensez sur le fait que Iglesias ne cache pas, tout en se disant athée, ne cache pas une certaine admiration pour le pape Benoît qu'il se place dans une sorte de positionnement qui est peut-être un peu proche de l'approche latino-américaine, justement, sociale chrétienne. Ouais, alors c'est ça un bon exemple. Et ça me fait penser, il y a un autre exemple que j'ai oublié et qui était assez marrant à suivre, qui était que, c'est qu'ils avaient dit qu'ils aimaient bien aussi la monarchie, c'est la question de la monarchie, en fait j'ai oublié de... Ça c'est un bon exemple de la gauche communiste traditionnelle appelle depuis longtemps à la République, au retour de la République en Espagne. Et Podemos a toujours été plutôt ambigu, on va dire. C'est-à-dire que, évidemment, que Iglesias et ses profs d'université sont pour la République et en peuvent plus du roi, mais ils l'ont jamais dit. Et c'est pire que ça, en fait, enfin c'est pire que ça, c'est plus que ça, ils disent qu'ils aiment bien les Bourbons. Il y avait cette sortie un peu sur j'aime bien les Bourbons, je sais plus en quoi il avait dit. Il avait même offert un coffret de DVD de Game of Thrones au roi qui était venu au Parlement européen, parce que Iglesias avait été eurodéputé un an. Qui avait croisé le roi à Bruxelles et il lui avait filé, donc ça c'est